dans le monde. Bienvenue en France, pays du fromage. Là où plus le rappeur pue, plus l'auditeur kiffe sa race, quel dommage. Bienvenue dans mon street album, 17 titres. Un amuse-gueule de street clip pour les sceptiques. Bienvenue chez moi, une centaine de paires de pompes. Ça va de la Jordan, de la torsion à la paire de pump. Bienvenue dans nos quartiers, où pour se saluer on se check. Et à l'heure du goûter, on se nourrit au tiep. Bienvenue dans mon corps, brute force de la nature. La concurrence va chier dessus du caca dur. Bienvenue dans mon film, où c'est bien mon rap qui te racale. Y'a pas de trucage comme chez le grand frère Pascal. Bienvenue dans ma caisse, pour me donner la pêche. J'écoute du Kofi, Werason, Eric Wan des chefs. Bienvenue dans mon stud, MDP Renault Manette. Prêt à tout baiser, t'inquiète, on est pas loin de la mer. Bienvenue dans mon monde. Je vous souhaite bienvenue dans mon monde. Bienvenue dans mon monde. Bienvenue dans mon monde. Bienvenue dans mon monde. Je vous souhaite bienvenue dans mon monde. Bienvenue dans mon monde. Bienvenue dans mon monde. Bienvenue dans mon monde. Bienvenue dans mon monde. Je vous souhaite bienvenue dans mon monde. Bienvenue dans mon monde. Bienvenue dans mon monde. Bienvenue dans mon monde. Je souhaite bienvenue dans mon monde. Bienvenue dans mon monde. Bienvenue dans mon monde. Bienvenue dans mon monde.